ils seront capables de me reconnaître. And then, et ensuite, I can do the Father works on them once they have entered. Et ensuite, je peux faire le travail de suite en eux pour qu'ils puissent entrer. And perfection them. Et je peux les perfectionner. So they may be my perfect bride. Et alors ils peuvent être mon épouse parfaite. Isn't that amazing? Est-ce que ce n'est pas étonnant? Still on the same level, encore dans le même niveau, I am talking about je suis en train de parler the 10 lamps. Des 10 lampes. Why is it that all the 10 lamps had to be lit? Pourquoi est-ce que les 10 lampes ont à être allumées? Does it mean they were empty? Ça signifie qu'elles étaient vides? And the definite answer is no. Et la réponse définie, c'est non. That means all the 10 lamps had the basic level of anointing. Ça signifie que toutes les 10 lampes avaient l'onction de base. Of the Holy Spirit. Du Saint-Esprit. All the 10 virgins. Toutes les 10 vierges. The anointing that allowed them to recognize Christ. L'onction qui leur permettait de reconnaître Christ. And give their lives to Christ. Et qui leur permet de donner leur vie à Christ. Be Christians, hallelujah. Et d'être chrétienne, hallelujah. The little anointing that allowed them to recognize that time has changed for the church. La petite onction qui leur permet de reconnaître que le temps est venu pour l'église. The wedding rings are in the sky. Les anneaux de noces dans le ciel. The clock in heaven says 1 minute to midnight. La pendule dans le ciel qui dit 1 minute avant minuit. So they may know that Christ the Messiah is coming in the rapture of the church. Alors elles peuvent savoir que Christ le Messie vient pour enlever l'église. To know that even the remnant church of Christ. Pour savoir que même le restant de l'église de Christ. Will be the one that will be taken from the church. Sera celui qui sera pris de l'église. So that they would have their lamps lit. Et alors, elles veulent avoir leur lampe allumée. And step out. Et sortir. Out of the usual church. Sortir de l'église habituelle. To go in the darkness and wait for the Lord with their lamps. Pour aller dans les ténèbres et attendre le Seigneur avec leur lampe. They all had some oil in their lamps. Toutes avaient un peu d'huile dans leur lampe. The minimum level of oil. Le niveau d'huile minimum. Let me bring you further. Laissez-moi vous amener plus loin. The book of 1 Corinthians chapter 12 verses 1 to 3. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 versets 1 à 3. Even underscores this much better. Met ceci en évidence même beaucoup mieux. 1 Corinthians 12. 1 Corinthiens 12. Verses 1 to 3. Au verset 1 à 3. And it says, now about spiritual gifts. Et il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels. Brothers, I do not want you to be ignorant. Je ne veux pas, frère, que vous soyez ignorants. You know that when you were pagans. Vous savez que lorsque vous étiez païens. Somehow or other, you were influenced and led astray to mute idols, okay? Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. Therefore, I tell you that no one who is speaking in the Spirit of God says, Jesus be cursed. You see that? C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. And no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. You see that? Vous voyez ça? That's why I'm telling you. C'est pourquoi je vous dis all people that give their lives to Christ. Chaque personne qui donne sa vie à Christ, they essentially activate that minimum level of the anointing of the Holy Spirit. Ils activent essentiellement ce niveau minimum du Saint-Esprit. Which level was imprinted into their lives? Lequel niveau est imprimé dans leur vie? During creation. Pendant la création. Genesis chapter 1, verse 26. Genèse chapitre 1 verset 26. So they can give their lives to Christ, say, Jesus is Lord. Alors ils peuvent donner leur vie à Christ, disant Jésus est Seigneur. And give their lives to Christ. Et donner leur vie à Christ. So their lamps can be lit. Comme ça, leurs lampes peuvent être allumées. Which means they must have that basic level of the anointing of the Holy Spirit. Ce qui signifie qu'ils doivent avoir ce niveau de base du Saint-Esprit. And this is what enabled. Et c'est ce qui rend capable all the virgins to have their lamps lit. Toutes les vierges d'avoir leurs lampes allumées. And even to move out now in the end time church. Et même de sortir maintenant dans l'église de la fin des temps. Move out into the darkness. Sortir dans les ténèbres. And begin to purify as they wait for Christ, the chief bridegroom. Et elles commencent à se purifier alors qu'elles attendent Christ, le chef époux. Jesus of Nazareth. Jésus de Nazareth. Christ the Messiah. Christ le Messie. Alléluia. Alléluia. They needed that minimum level. Elles ont besoin de ce niveau minimum to keep them even waiting pour les garder même attendantes until the midnight hour. Jusqu'à l'heure de minuit. Remember, their lamps did not go off. Souvenez-vous, leurs lampes ne sont pas éteintes. Until the midnight hour. Jusqu'à l'heure de minuit. Is when now every lamp was going low. C'est là que toutes les lampes se sont affaiblies. So there was a minimum level that carried them on. Alors il y a un niveau minimum qui les a soutenus. Kept the light burning. Qui ont gardé leur lampe allumée. But the question is, was it sufficient? Alors la question est, est-ce que c'était suffisant? Alléluia. Alléluia. I want to take you even further. Alors je vais vous amener plus loin. In the book of Ezekiel, dans le livre d'Ézéchiel, I'm reading Ezekiel 47, je lis Ézéchiel 47, verses 1 to 6. Les versets 1 à 6. And this is what he says here, somebody. Et voilà ce qu'il dit là. Ezekiel 47, verses 1 to 6. Ezekiel 47, versets 1 à 6. It says, the man brought me back to the entrance of the temple. L'homme me ramena vers l'entrée du temple. And I saw water coming out of under the threshold of the temple. Et voici de l'eau sortait sous le seuil du temple. Towards the east, for the temple faced east. À l'orient, car la face du temple était à l'orient. The water was coming down from under the south side of the temple. L'eau descendait sous le côté droit du temple. South of the altar. Au midi de l'autel. Verse 2 of Ezekiel 47. Verset 2 d'Ézéchiel 47. He says, he then brought me back through the north gate and led me round the outside to the outer gate facing east. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. And the water was flowing from the south side. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Verse 3. Verset 3. As the man went eastwards with a measuring line in his hand, lorsque l'homme s'avança vers l'orient, he measured off 1,000 cubits and led me through water that was ankle deep. Il avait dans la main un cordeau et il mesura 1,000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Somebody, do you see that minimum level? Vous qui écoutez, est-ce que vous voyez ce niveau minimum? The man of the Holy Spirit, l'homme du Saint-Esprit, measured off 1,000 cubits, mesura 1,000 coudées, and led the church, et laisse l'église, the church being symbolized by the servant of the Lord, l'église étant symbolisée par le serviteur du Seigneur, through the water that was ankle deep at the ankle level. You see that? À travers l'eau qui était jusqu'aux chevilles. Vous voyez ça? Alléluia. Alléluia. And look at this now. Regardez à ceci maintenant. He measured off another 1,000 cubits and led me through water that was knee deep. Il mesura encore 1,000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. And he measured off another 1,000 and led me through water that was to the waist. Il mesura encore 1,000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. He measured off another 1,000 cubits, but this time It was a river that I could not cross. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Because the water had risen and was deep enough to swim in. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. A river that no one could cross. C'était un torrent que personne ne pouvait traverser. In Ezekiel 47, dans Ézéchiel 47, the Lord was talking about the latter glory that would visit the house. Le Seigneur était en train de parler de la dernière gloire qui allait visiter la maison. But it's very interesting to us here. Mais c'est très intéressant pour nous ici, in this parable, dans cette parabole of Matthew 25, de Matthieu 25, talking about the five foolish virgins, qui parle à propos des cinq vierges folles and the five wise virgins, et des cinq vierges sages that went to wait upon the bridegroom, that is our Lord Jesus, qui sont allées attendre l'époux qui est notre Seigneur Jésus, even towards the rapture of the church. Même parmi l'enlèvement de l'Église, it's interesting that the basic level of the anointing, c'est intéressant que le niveau de base d'onction is the ankle level that he's talking about here. C'est le niveau des chevilles dont il est en train de parler ici. And you begin to see that there is a propensity, et nous commençons à voir qu'il y a une tendance naturelle, there is a capacity in the church, il y a une capacité dans l'Église for her to receive added levels of anointing of the Holy Spirit, pour elle de recevoir un niveau additionnel du Saint-Esprit, which levels would be proportionate, lequel niveau va être proportionné and commensurate, et de même mesure with the prophetic timing, the end time, avec le temps prophétique, les derniers temps. To me, that is even more interesting. Pour moi, c'est même plus intéressant. Because we see that when the midnight hour comes, parce qu'on voit que quand l'heure de minuit arrive, then the minimum level cannot withstand the storms. Que le niveau minimum ne peut pas tenir devant les tempêtes. You see that? Vous voyez ça? No wonder the Bible says, pas étonnant que la Bible dise, the days are evil, let us redeem time. Les jours sont mauvais, rachetons le temps. The wickedness of the last days, you see that? La méchanceté des derniers temps. But I'm just going ahead of myself. Je vais juste aller au-dessus de moi-même. I just want you to understand. J'aimerais juste que vous soyez en train de comprendre that there is the ankle level, qu'il y a un niveau aux chevilles. But this ankle level, like we can see, is short-lived. Mais ce niveau des chevilles a une vie courte. That is just the level that allows you to come on board. C'est juste le niveau qui vous permet d'arriver à bord. Because after that, parce que après ça, you are supposed to show the light, which is the life of Christ, to the dying world. Vous êtes supposé montrer la lumière, qui est la vie de Christ, au monde qui périt. But how can you show that light? Comment vous pouvez montrer cette vie? When you are just at the ankle level. Quand vous êtes juste au niveau des chevilles. The level at which the lamps have been lit. Le niveau où les lampes ont été allumées. That tells you that this ankle level, ça vous dit que ce niveau des chevilles, is the level at which all the 10 virgins were operating. C'est le niveau avec lequel toutes les 10 vierges étaient en train d'opérer. The basal level, the basic level of the anointing of the Holy Spirit. Le niveau de base du Saint-Esprit. But this level also talks about the infancy. Mais ce niveau aussi parle à propos de l'enfance. The infant church, the young church. L'église infantile, la jeune église. Alléluia. Alléluia. This level talks about, ce niveau parle à propos, the childhood in your Christian life, de l'enfance de votre vie chrétienne. That means you are compelled, ça signifie vous êtes contraint, to need more anointing of the Holy Spirit. You see that? D'avoir besoin de plus d'onction du Saint-Esprit. Vous voyez ça? So you can grow. Alors vous pouvez croître. So that the light you emit, alors la lumière que vous émettez, which is the life of Christ in you as a Christian, qui est la vie de Christ en vous comme chrétien, may show more fruit, doit montrer plus de fruits. Alléluia. Alléluia. And so that you too may enter into the rapture. Et comme ça, vous pouvez entrer dans l'enlèvement. Because, by the way, parce que de cette manière, mark you, vous remarquez, the rapture only takes the mature bride of Christ. L'enlèvement ne prend que l'épouse mature de Christ. So there must be a gradual transforming process. Alors il doit y avoir une transformation graduelle. A process of growth. Un processus de croissance. As the church. En tant qu'église. Is busy waiting on the chief bridegroom. Et en tant qu'église occupée, attendre le chef époux. Alléluia. Alléluia. Waiting for the Messiah. Attendant le Messie. What a mighty waiting process. Quel puissant procédé d'attente. You're waiting and you're growing. Vous attendez et vous croissez. Alléluia. Alléluia. And the other thing I want to bring to your attention. Et une autre chose que j'aimerais amener à votre attention. Is the fact that there seems to be. C'est ce fait que ça semble être. A transforming factor. Un facteur de transformation. That even as the church is waiting. Que même l'église est en train d'attendre. Jesus was telling the church. Jésus était en train de dire à l'Église que le niveau initial d'onction du Saint-Esprit that you have, que vous avez the day you receive the Lord, le jour où vous avez reçu le Seigneur, there is no problem with that anointing. Il n'y a pas de problème à propos de cette onction. It is very good for you, c'est très bon pour vous. Because it can help you recognize me and give your life to me. Parce que ça vous aide à me reconnaître moi et à me donner votre vie. But you need to seek for more anointing of the Holy Spirit. Mais vous avez besoin de chercher à avoir plus d'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. That is the message he's giving the church. Ça, c'est le message qui est donné à l'Église. And he's telling the church, et il dit à l'Église, si vous dépendez de ce niveau de onction, vous allez rester un enfant. Forever. Pour toujours. And I am not coming back to wed an infant. Et je ne reviens pas pour épouser un enfant. Alléluia. Alléluia. I am coming back to wed a perfect, mature bride. Je reviens pour épouser une épouse parfaite et mature. Are we together, somebody? Sommes-nous ensemble, vous qui écoutez? Let us move it to another level. Laissez-moi vous amener à un autre niveau. The Lord is also talking. Le Seigneur est aussi en train de dire about the fact that there is a certain level of anointing of the Holy Spirit in the church. À propos du fait qu'il y a un certain niveau d'onction du Saint-Esprit dans l'Église qui semble couper à travers l'entier spectre de l'Église in the four corners of the earth, aux quatre coins de la terre and that anyone et que chacun that continues qui continue to operate in that level of anointing, à fonctionner dans ce niveau d'onction. Whether they are still in the church that did not separate out, soit qu'ils sont encore dans l'église, qu'ils s'en sont pas séparés, or they separated out to wait on me, ou qu'ils s'en sont séparés pour m'attendre, they will not enter into the kingdom of God. N'entreront pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. So he's saying, alors il est en train de dire that the church needs to seek, que l'église a besoin de chercher an increased and the added level of the anointing of the Holy Spirit. Une augmentation, une addition du niveau d'onction du Saint-Esprit. Because it is he, the person of the Holy Spirit. Parce que c'est lui, la personne du Saint-Esprit. That will reveal more Christ to us. Qui nous révélera plus de Christ à nous. So we may be able to shine. Pour qu'on puisse être capable de briller. To reveal more fruit of Christ, of the life of Christ, de révéler plus de Christ, plus de la vie de Christ, to the darkness of the world, dans les ténèbres de ce monde, to the dying world, pour le monde qui périt, to the lost souls, pour les âmes perdues, even in the last days, même dans les derniers temps. Alléluia. Alléluia. And the Lord is also telling the church in this parable. Et le Seigneur est aussi en train de dire à l'Église dans cette parabole, that minimum level of the anointing, que ce niveau minimum d'onction, whether you are still in the church, peu importe si vous êtes encore dans l'église, or you separate out, ou si vous vous êtes sorti, waiting for me in the darkness, attendant, m'attendant dans les ténèbres, that level will be extinguished. Ce niveau va être éteint. Will not be enough, will be killed. Ça ne va pas être assez, il va être tué. When the last minute, the midnight storms begin to set in. Quand la dernière minute, la tempête de minuit commence à s'installer. That means you need an added support. Ça signifie que vous avez besoin d'un support en plus. An external support. Une extension de support. Not from your own, pas de vous-même. But from the sacred anointing of the Holy Spirit. Mais pour l'onction sacrée du Saint-Esprit. The consecrated anointing of the Holy Spirit. L'onction consacrée du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. What a mighty day. Quel jour puissant. And then, et ensuite, he's also telling the church, il est aussi en train de dire à l'église that when you step out, he's talking about the remnant church. He's not talking about the general church here. Quand vous sortez, il parle à propos de l'église restante. Il ne parle pas de l'église générale ici. Again, encore, the Lord Jesus, le Seigneur Jésus, was not speaking about the general church. N'était pas en train de parler de l'église générale. He's talking about those who are able even to hear the voice of the archangel. Il est en train de parler de ceux qui sont capables même d'entendre la voix de l'archange. Which means they feel the remnant. Ce qui signifie le peu, le restant. That has stepped out of the walls of the church. Qui est sorti hors des murs de l'église. And they are now outside there with their lamps. Qui sont maintenant dehors avec leurs lampes. They are working so hard to redeem the souls. Time is out. Ils travaillent tellement dur pour racheter les âmes parce que le temps est fini. He said, even that remnant that is out. Il dit même ce restant qui est dehors. If they continue operating in spiritual childhood. S'ils continuent de fonctionner comme des enfants. Spiritual infancy. De l'enfance spirituelle, they will not be able to emit the rightful light, ils ne vont pas être capables d'émettre la pleine et juste lumière. Alléluia. Alléluia. The light that is the image of Christ. La lumière qui est l'image de Christ. Remember the Lord says in Matthew chapter 5, souvenez-vous, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 5, you are the light of the world. Vous êtes la lumière du monde. And that is the same statement he said in John chapter 8. Ça, c'est la même déclaration qu'il a dite dans Jean chapitre 8. Alléluia. Alléluia. When he said, I am the light of the world. Quand il dit, je suis la lumière du monde. Which means the Lord is telling the church. Qui signifie que le Seigneur est en train de dire à l'église, you cease to wear your own image. Vous voyez à travers votre propre image, but you wear the image of Christ. Que vous avez revêtu l'image de Christ. That is what the Holy Spirit is speaking to the church right now. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit est en train de dire à l'église juste maintenant. And if you look at the church of Christ in the four corners of the earth, et si vous regardez l'église de Christ aux quatre coins de la terre, almost more than 95 to 99%, plus que 95 ou 98% is an infant church. Sont une église infantile. Is an immature church. Une église immature. Is a childhood church. C'est une église infantile. They are operating the initial level. That's why. Ils fonctionnent dans le niveau initial. C'est pourquoi. They cannot even recognize that time is out. Ils ne reconnaissent même pas que c'est la fin du temps. They are still in preaching money. Ils sont en train encore de prêcher à propos de l'argent. They are still in the sexual sin. Ils ont des péchés sexuels. They are still in the lust and the love of money. Ils sont encore dans des désirs sexuels et de l'amour de l'argent. They are still in the human glory. Ils ont encore des gloires humaines. They are involved in politics if you look at the Church of Christ in Kenya. Ils sont impliqués dans la politique si vous regardez dans l'Église de Christ au Kenya. They are in politics. Ils sont dans la politique. Hallelujah. Alléluia. They are sitting together with priests of other gods. Assis ensemble avec des prêtres d'autres dieux. At the same place in the same TV programs. À la même place, au même programme de TV. In the same radio programs. Au même programme de radio. In the same prayer meetings, the same stadiums. À la même réunion de prière, au même stadium. They pray or they wait until a priest of another religion prays. Ils prient ou ils attendent jusqu'à ce qu'un prêtre d'une autre religion prie. Then they go pray at the same altar. Ils vont prier dans le même autel. That means they have not grown. Ça signifie qu'ils n'ont pas grandi in the Holy Spirit. Dans le Saint-Esprit. Because if they had grown, they would have known that time is over. Parce que s'ils avaient grandi, ils sauraient que le temps est passé. And this is time to separate out. Et c'est le temps de se séparer. I have a section here on the separation. J'ai une section ici sur la séparation. But listen to this, somebody. Écoutez, vous qui m'écoutez. There's something I want to address here. Il y a quelque chose que j'aimerais vous adresser ici. What is it? Qu'est-ce que c'est? About the minimum level of the anointing of the Holy Spirit. À propos du niveau minimum d'onction du Saint-Esprit. That characterizes. Qui caractérise. The five foolish virgins. Les saints vierges folles. Even as the Lord was speaking to this church, the current church. Même que le Seigneur était en train de parler à cette église, l'église courante. What is it? Qu'est-ce que c'est? That was harmful to them. Qui était nuisible pour eux. That made them not enter into the rapture. Qui les empêchait d'entrer dans l'enlèvement.